Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM, que j'ai intitulée « Adémat et gilets jaunes ». Adémat, H, appelait un rassemblement le 1er décembre à 14h30. Que dire de cette manifestation, sinon que le principal organe de presse du département a relégué le compte-rendu de la manifestation dans la profondeur de son édition de dimanche. Elle n'en a donné à ses lecteurs qu'un contenu assez congru. Rappelons les enjeux de ce rassemblement qui avait pour objectif d'alerter le public sur le projet de l'ARS et du directeur des deux établissements, c'est-à-dire Remiremont-Épinal, d'instaurer un contrat de performance. Entre guillemets, un contrat de performance. Contrat qui est en réalité un véritable plan social pour les deux hôpitaux, qui pourrait se traduire par 250 suppressions d'emplois dans les hôpitaux de Remiremont-Épinal. Cette situation préfigure ce que sera le plan santé du gouvernement proposé à l'Assemblée nationale, si les choses se passent comme elles doivent se passer, en 2019, avec pour résultat concret la diminution de l'offre de soins, centralisant à outrance les moyens hospitaliers pour faire des économies sur le dos des usagers, qui deviennent non plus des patients, mais des clients, selon une nouvelle formule consacrée et labellisée. Labellisée, pourrait-on dire. En fait, le plan santé a principalement pour objectif de démanteler l'hôpital public, en partie au profit du privé. Certes, ce démantèlement ne date pas d'aujourd'hui. Il a commencé sous Sarkozy avec Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, qui a instauré une médecine à l'acte dans les hôpitaux publics, mettant ainsi en place une nouvelle tarification de l'activité qui induisait un déficit au niveau des établissements hospitaliers. Il est vrai que 80% des établissements sont en déficit, surtout les centres hospitaliers universitaires, comme celui de Nancy, qui concentrent le plus de spécialités médicales et doivent sans cesse se moderniser pour faire face à l'évolution des technologies médicales. Ajoutons à cela la carence en médecins, et l'on comprend encore mieux l'objectif affiché de désertification. Certains diront d'abandon des territoires. La politique suivie par le gouvernement et ses technocrates conduit nécessairement à vider de ses forces vives le milieu rural et montagnard. Qui voudra s'installer dans des contrées où tous les services publics ferment, également de nombreux commerces et exploitations de proximité? Faire tous les jours des dizaines de kilomètres, voire des centaines de kilomètres pour travailler, se soigner, faire ses courses, et non seulement chronophage, mais encore coûteux et augmente l'empreinte carbone au détriment de l'environnement. C'est donc par une grande duplicité que le pouvoir en place prétend lutter contre le réchauffement climatique en augmentant le prix des carburants, alors même que la dite augmentation vise à compenser les cadeaux faits aux riches, les cadeaux fiscaux bien sûr, et les diminutions de charges sociales, essentiellement des cotisations sociales, aux entreprises et aux salariés. Le comblement du déficit de la sécurité sociale se fait au détriment de l'accès aux soins. Il s'agit d'une opération purement comptable qui ne tient pas compte des besoins des populations âgées, en particulier âgées, dans le milieu rural et montagnard. Les restrictions budgétaires sur les hôpitaux vont peser très lourd sur l'état sanitaire de ces populations et à terme sur leur état de santé, d'autant plus que les moyens mis en œuvre pour pallier au manque de médecins sont insignifiants au regard des besoins réels de nos populations montagnardes, les médecins préférant s'installer là où il y a du pognon et déserter le milieu rural. Il n'est pas surprenant que le peuple de conditions modestes se révolte, surtout lorsque le pouvoir exécutif fait preuve d'une morgue sans pareil à son égard. Les masses populaires, pour reprendre une expression très utilisée après mai 68, sont révoltées par la progression lente et inexorable des inégalités entre classes sociales et territoires. Macron, selon la conviction des trois quarts des Français, est le président des riches et des villes riches. L'avènement des Gilets jaunes et de leurs revendications, de leurs révoltes parfois quasi insurrectionnelles, n'est que le reflet d'une société qui se déchire et refuse à une large majorité les réformes entreprises sous l'égide de Macron. La plupart antisociales, qui creusent toujours davantage les inégalités et instaurent une véritable injustice sociale. Quoi qu'en disent les médias qui ont soutenu la politique macronienne. Il est facile de faire le bilan des réformes et constater qu'elles comportent toutes des régressions sociales importantes. Quoi qu'en disent les tireurs de bottes du pouvoir, La République en marche est désormais considérée par une majorité des Français comme la République en marche arrière, pour donc une grande majorité de ces Français, d'où la sympathie manifestée aux Gilets jaunes, même si ce mouvement est peu organisé, composite et parfois violent. Il n'en reste pas moins qu'il est né d'un ras-le-bol des Français de conditions modestes ou pauvres face à un pouvoir qui règne sans partage, essentiellement au service des nantis. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.